Chapitre 3e, la première attaque. Charles de Bourbon, en s'avançant vers la cité, n'avait rencontré sur ses pas qu'une vaste solitude. Les environs de la ville, ordinairement cultivés avec soin, avaient été dévastés. Le fer et la flamme avaient tout détruit, afin d'enlever toute espèce de vivre et toute ressource aux troupes du connétable. Un seul asile, la colline de la Vierge de la Garde, avait été respecté. Le 19 août, l'ennemi se montra non loin des murailles. Les portes de la ville furent aussitôt fermées, et 9000 habitants prirent les armes sous les ordres des capitaines qui leur avaient été désignés. Charles de Bourbon établit son camp du côté du chemin d'Aubagne, tandis que son armée occupait deux lieux dans le terroir. Dès le lendemain de son arrivée, profitant du respect que les Marseillais avaient gardé pour la montagne sainte, il y fit couper une grande quantité d'arbres, en fit construire toutes sortes de machines de guerre, et bientôt après, la batterie fut dressée du côté de l'observance. Le 23 août, au lever du soleil, le canon gronda tout à coup. L'artillerie marseillaise commandée par Jean de Caux avait été placée sur toutes les hauteurs, ainsi que sur les tours de Rostagnier et de la Grande Horloge. De part et d'autre, la canonnade continua avec une ardeur égale. Les assiégés abattirent tous les gabions des ennemis, et les assiégeants, dès le second jour, firent successivement de légères brèches aux murailles. Ranzo de Cérès les fit promptement réparer. Il ordonna qu'on y jetât des balles de laine et de coton contre lesquelles les boulets venaient s'amortir. De plus, prévoyant que l'intention du connétable était d'essayer un assaut, il y fit placer des troupes armées à blanc. Vers le soir, Bourbon, voyant toutes les forces et l'activité des Marseillais dirigées de ce côté, médita un plan qu'il exécuta dès le troisième jour. Pendant que le canon grondait sourdement près de l'observance, il donna ordre à une compagnie de lansquenets commandée par le marquis de Pesquer de poser sans bruit des échelles contre les murailles qui séparaient la porte de la Frache de la porte Saint-Martin et de tenter de s'emparer de la ville par escalade. Tout s'effectua comme il l'avait prévu. Déjà même une cinquantaine de soldats avaient atteint le sommet des remparts. Encore un instant et les sentinelles qui rôdaient autour allaient être égorgées. C'en était fait de Marseille. Elle allait tomber, dès la première attaque, au pouvoir de l'ennemi si le cri aux armes, répété par une voix puissante, n'eût retenti tout à coup au milieu des soldats surpris. Celui qui venait de donner l'éveil était un jeune homme, dont la longue rapière et l'éperon d'or annonçaient un gentilhomme chevalier. Il était revêtu d'un riche pourpoint, portait des hautes choses de couleur éclatante, ainsi qu'un chapeau à large bord où flottait une plume blanche. Tristement assis près des remparts, le bruit furtif de la silencieuse attaque était arrivé jusqu'à lui. Tiré subitement de sa rêverie, il s'était relevé la main sur la garde de son épée, mais reconnaissant bientôt l'insuffisance de son arme contre des assaillants trop nombreux, il avait averti les postes. Au cri qu'il avait poussé, les guerriers qui veillaient aux deux portes avaient armé leurs mousquets. Les lansquenets, se voyant découverts, songèrent à la retraite. Malheureusement pour eux, elle était interceptée par leurs compagnons qui s'avançaient à leur suite. Point de mire des balles des soldats français, la plupart tombaient lourdement au pied des murs après avoir teint les remparts de leur sang. Le marquis de Pesquer, qui avait compté sur le succès et n'avait point songé à une défaite possible, s'exagéra le danger. Il crut que les Marseillais allaient sortir en nombre et l'envelopper avec les siens. Effrayé, il fit enlever les échelles, abandonna lâchement les soldats qui avaient les premiers tenté l'escalade et se retrancha dans le camp. Ceux-ci, se voyant perdus, se jetèrent dans la place, jurant de vendre chèrement leur vie. À la première décharge des mousquets, Charles de Montoux, qui commandait la blanquerie, était accouru. Il reçut les lansquenets le front haut, l'épée au poing, et se jeta hardiment au milieu de la mêlée. Une lutte terrible s'engagea entre cette poignée d'hommes. Les armes étincelaient au reflet du soleil couchant. Le fer frappant le fer rendait un son lugubre et plaintif. On eût dit le glas funèbre des morts qui allait encombrer le champ de bataille. Bientôt les piques et les halbards ne suffirent plus à la fureur des combattants. Serrées de trop près, elles devinrent inutiles. Tantôt les assiégeants et les assiégés s'étreignant corps à corps roulaient ensemble dans la poussière, ou également pressés, l'adresse luttait en vain contre la force des muscles. Tantôt s'écartant promptement, quelques-uns d'entre eux parvenaient à dégager leurs armes, alors l'épée s'élevait et retombait sans relâche sur les ennemis entassés, et des cadavres jonchaient la terre, tandis que de larges mares de sang s'étendaient autour d'eux. les deux gentilshommes surtout se montraient redoutables. Charles de Mantoue, furieux, donnait des marques signalées de son bouillant courage, de son impétueuse valeur. Mais il portait ses coups presque au hasard, et sa rapière épargnait à peine ses propres soldats. Se sentant blessé à l'épaule gauche, il saisit en se retournant son adversaire et l'étouffant presque d'un de ses bras nerveux, de l'autre, il plongea dans son sein son arme victorieuse. Quant à l'élégant chevalier, à qui la cité devait son salut, non moins ardent, mais plus adroit, il visait juste et frappait sûr. Appuyé contre les murs des remparts pour se garantir des surprises, également habile à se défendre et à attaquer, il avait étendu à ses pieds de nombreux ennemis sans avoir reçu la plus légère blessure. C'était à peine si les broderies de son pourpoint étaient souillées çà et là par quelques gouttes d'un sang noirâtre. Un instant, de Mantoue et le chevalier se trouvèrent en présence. Tous deux s'arrêtèrent et s'observèrent d'un regard plein de haine. Ils allaient peut-être tourner l'un contre l'autre les armes qui devaient défendre leur pays, lorsque Charles fut environné par un groupe de combattants. Pressé de toutes parts, le danger devint certain. Le chevalier hésita d'abord, puis courut au secours du commandant et le préserva d'une mort imminente. Rien ne saurait peindre la rage de Mantoue. Son ennemi le devina, car tout péril passé, il mit l'épée au fourreau et s'éloigna promptement du lieu du carnage. Ce combat fut aussi rapide que sanglant. Les lansquenets qui n'avaient point succombé demandèrent quartier et se soumirent à la discrétion du vainqueur. Charles de Mantoue, escorté de ses prisonniers, traversa la ville en triomphe, et pendant que son nom mille fois répété vibrait dans l'air frémissant, son regard inquiet scrutait la foule, tremblant de voir s'agiter au vent une plume blanche. Charles de Bourbon, informé du mauvais succès de son entreprise, désespérant de s'emparer par la force ouverte ou par la surprise d'une ville si bien défendue, fit cesser l'attaque durant 30 jours, résolu d'avoir recours à la sape et à la mine pour renverser les murailles.